Il voudrait qu'on se revoie, mais j'ai pas son temps. Gars, c'est ta gentillesse qui me rend insolente. Et j'ai vu la bougie s'éteindre doucement. Ressens-tu ma peine à travers ses battements? Attiré par le pire pour ne pas qu'on déçoive. Donc je m'éloigne de toi pour pas qu'on parle de ça. Chérie, protège ton cœur, tu vas te blesser. Tu sais bien que mes yeux sont calibrés. Calibrés, ouais. On faisait des boussa-boussa partout dans la ville hier. Boussa-boussa-boussa partout dans la ville, ouais. Maintenant c'est coussa-coussa, je sens qu'on s'abîme, ouais. Boussa-coussa-coussa, je sens qu'on s'abîme, ouais. C'est des boussa boussa partout dans la ville, ouais. Boussa boussa boussa partout dans la ville, ouais. Mais non, c'est coussa coussa, je sens qu'on s'abîme, ouais. Coussa coussa coussa, je sens qu'on s'abîme, mais boussa boussa boussa partout. Boussa boussa boussa partout, partout. Boussa boussa boussa partout. Boussa boussa boussa partout. Je voudrais qu'on s'éclipse comme le soleil et la lune. Mais le reste du temps, comme eux deux, on se fuira. Dans les bras d'un autre, je pense à toi qui voudrais me marier. Forcément, mais la monnaie mène la Corée. Oh la la la. Bébé, je sors des limbes. Le feeling est si bad, bad, bad. Oh la la la. J'embrasse mes rêves et fume les tiens. Oh la la. Fume les tiens, ouais. On faisait des boussa boussa partout dans la ville hier. Boussa boussa boussa partout dans la ville, ouais. Maintenant c'est coussa coussa, je sens qu'on s'abîme, ouais. Coussa coussa coussa, je sens qu'on s'abîme, ouais. On faisait des boussa boussa partout dans la ville, ouais. Boussa boussa boussa partout dans la ville hier. Maintenant c'est coussa coussa, je sens qu'on s'abîme, ouais. Coussa coussa coussa, je sens qu'on s'abîme. Boussa boussa boussa partout. Boussa boussa boussa partout, partout. Boussa boussa boussa partout. Boussa boussa boussa partout, partout. Détail, des sentiments. Prête-moi, tu te sens vivant. Ton nouveau flow va pas durer. Boussa boussa partout dans la ville hier. Mais non, c'est coussa coussa, je sens qu'on s'abîme, ouais.